je s'improvise gros, yeah. C'est pour nos potes et nos gros, oh, oh, oh. Ceux qui parlent pas dans les dos, oh, oh, oh, oh, oh. On est venu cracher nos flots, oh, oh, oh. Faire comprendre pourquoi on pète le micro. Et je suis coupé de le mic pour ma famille, ceux qui braillent. Pas là pour te faire du mal, plutôt remonter ton moral. Car c'est ma rime qui t'emballe avec des thèmes pas banals. En clair, quand je rappe, je râle pour le repos de vos âmes. Pensez bien, pas de drame, je lâche mes récits mélomanes. Pour que jamais tu calmes, pour qu'ils sont pas dans les flammes. Pour que personne te condamne, car trop juge radical. Sans savoir ce que tu caches sous ton voile. Je lâche pas des rimes à deux balles, je suis là pour ouvrir le bal. Pendant que certains crèvent la dalle, d'autres vont répandre le mal. On se bouffe entre nous, un instinct trop cannibale. Mais certains restent debout, et sachant tant bien que mal. Le combat du vivre ensemble, faut même pas perdre une bataille. Se lancer dans le combat, sortir l'instinct animal. Sur le chemin de ta vie, va poser la première dalle. T'inquiète, je me prends pas pour Moïse, et encore moins pour Abraham. C'est pour nos potes et nos gros, oh, oh, oh, oh, oh. Ceux qui parlent pas dans les dos, oh, oh, oh, oh, oh. On est venu cracher nos flots, oh, oh, oh, oh, oh. Faire comprendre pourquoi on pète le micro. C'est pour nos potes et nos gros qu'on crache tous nos mots. C'est pour nos potes et nos gros, ceux qui nous connaissent depuis minot. Malgré tout, toujours armés de nos stylos. Toujours dans le tempo et toujours avec autant de flow. Mon salaud, tu connais le topo. Je rappe pour changer le monde et pour tous mes dépôts. Pour ceux qui me disaient tu fais pas de rap, pour ceux qui comprennent qu'aujourd'hui je n'ai pas changé de cap. Y'a eu des coups durs, des petites pauses c'est sûr. Mais mes textes toujours soignés, sensés, ça je te l'assure. Pour ceux qui savent ça perdure et qui savent ça va conclure. Pour tous ceux qui ont compris qu'on a tous besoin d'air pur. C'est pour tous mes refrains qui ont perdu des êtres chers. C'est pour tous mes refrains qui sont pas bien dans cette atmosphère. C'est pour tous mes compères qui ont perdu leur repère. Pour tous ceux qui ont compris quand la vie on y perd. C'est pour nos potes et nos gros, oh, oh, oh, oh, oh. Ceux qui parlent pas dans les dos, oh, oh, oh, oh, oh. On est venu cracher nos flots, oh, oh, oh, oh, oh. Faire comprendre pourquoi on pète le micro. On est venu faire comprendre pourquoi le micro nous tente. On est venu charger le mic pour presser sa détente. Tu sais que notre rap n'est pas tendre, sûrement pas pour que t'en trembles. Mais sache que toutes les vérités ne sont pas bonnes à entendre. Tu sais pourquoi on prend le mic, car la vie n'est pas light. Tu sais pourquoi on lâche nos rimes pour tous les gens qui triment. Tu sais que la vie est bien dure et nos cœurs s'en abîment. Tu sais qu'aujourd'hui dans ce monde, trop nombreux qui famine. Respect à ceux qui savent ce qu'on fait, les vrais toujours nous encourageaient. Je sais que t'as craché sur tous nos couplets et tu me hais, car finalement je te fais beaucoup d'effets. Respect à ceux qui savent ce qu'on fait, les vrais toujours nous encourageaient. Je sais que t'as craché sur tous nos couplets et tu me hais, car finalement je te fais beaucoup d'effets. C'est pour nos potes et nos gros, oh, oh, oh, oh, oh. Ceux qui parlent pas dans les dos, oh, oh, oh, oh, oh. On est venu cracher nos flots, oh, oh, oh, oh, oh. Faire comprendre pourquoi on pète le micro. C'est pour nos potes et nos gros, ceux qui parlent pas dans les dos. On est venu cracher nos flots, faire comprendre pourquoi on pète le micro. C'est pour nos potes et nos gros.